les diables rouges vont en Espagne, ils vont se battre comme des lions, avec courage et avec hargne, car ce sont vraiment des champions. Les diables rouges vont en Espagne, nous on parie qu'ils vont gagner, les supporters les accompagnent afin de les encourager. Erwin Vandenberg fait trembler les filets, Tulemans de l'aile déborde d'un crochet. Van Moor omniprésent et toujours surprenant, Verheyen affole par ses longs dégagements, mais Meus gagne du temps, de la tête Milcan défend, et Jean-Marie multiplie les arrêts. Les diables rouges vont en Espagne, ils vont se battre comme des lions, avec courage et avec hargne, car ce sont vraiment des champions. Les diables rouges vont en Espagne, nous on parie qu'ils vont gagner, les supporters les accompagnent afin de les encourager. L'entraîneur Guy Theys, le cerveau de l'équipe, en bon technicien déploie toute sa tactique. Il motive ses hommes de façon magistrale afin qu'ils se défoncent pour la cause nationale. Rankin a du cran, Cook a du talent, Gerets en défense est excellent. Les diables rouges vont en Espagne, ils vont se battre comme des lions, avec courage et avec hargne, car ce sont vraiment des champions. Les diables rouges vont en Espagne, nous on parie qu'ils vont gagner, les supporters les accompagnent afin de les encourager. Les diables rouges vont en Espagne, ils vont se battre comme des lions, avec courage et avec hargne, car ce sont vraiment des champions. Les diables rouges vont en Espagne, nous on parie qu'ils vont gagner, les supporters.